Afrique, une histoire sonore. ...1960-2000, 40 ans de vie politique en Afrique francophone. ...40 ans d'archives radiophoniques présentées et commentées par Elika Mbokolo et Philippe Saint-Denis. Vers la démocratie.